Les éditions de l'avenir présentent Les arènes d'Aubioche. Une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 9. Christian Martin à la narration. Chapitre 5, septième partie. Yo-Hop avait observé avec intérêt les faits et gestes des différents bipèdes. Son intelligence encore primitive lui avait rapidement fait comprendre qu'il s'agissait de deux groupes distincts, dont les membres les plus nombreux pourchassaient celui qui l'avait étonné par des actes pour lui incompréhensibles. Actes dont il avait commencé à découvrir le sens en voyant flotter le corps sans vie du chien. Le petit amphibien avait ressenti comme une sorte de satisfaction en assistant à l'élimination du chasseur et en apercevant son vainqueur s'emparer du bâton tonnerre. Il connaissait la puissance destructrice de cet objet pour avoir, un jour qu'il se promenait à terre pour y récolter des racines de sartex, son régal, assisté à la mort d'un loscan. Le redoutable carnassier, grand prédateur des membres de la tribu de Yo-Hop, s'était attaqué à un des quadrupèdes hurlants qui accompagnaient fréquemment les bipèdes, quand un bâton tonnerre avait craché une flamme bruyante qui l'avait foudroyé. Yo-Hop, après le départ du bipède et de son compagnon, avait flairé et observé attentivement le corps sans vie du grand félin et avait aperçu la plaie au niveau du poitrail d'où sortait un filet de sang. Il avait compris que la flamme avait pénétré à cet endroit en tuant l'animal. Cela l'avait convaincu qu'il était prudent pour lui d'éviter toute rencontre avec un de ses maîtres du tonnerre, malgré la curiosité insatiable qui était la sienne et qui provoquait l'étonnement et la frayeur de tout son clan lorsqu'il partait vagabonder hors de son domaine aquatique. Jusqu'à ce jour, il s'était tenu à ses bonnes résolutions. Mais là, il éprouvait inexplicablement une certaine sympathie ou attirance pour l'être solitaire, sans doute parce que lui-même se sentait un peu à part parmi les membres de sa race, et un sentiment confus surnageait dans son esprit frustre. Il souhaitait obscurément que l'objet de ses pensées se tire d'affaire face à ses poursuivants.